La cruche miraculeuse. Un soir des temps anciens, la vieille Baucis et Philémon, son vieux mari, étaient assises à la porte de leur chaumière, admirant un magnifique coucher de soleil. Ils venaient de faire un souper frugal et se proposaient de respirer l'air pendant une heure ou deux avant d'aller au lit. Leur jardin, leurs vaches, leurs abeilles, une vigne qui tapissait le pignon de leur petite habitation et à laquelle pendaient des raisins presque mûrs, tels étaient les sujets de leur entretien. Mais les cris sauvages des enfants et les aboiements furieux des chiens des environs commencèrent à les troubler et devinrent si bruyants qu'ils avaient de la peine à s'entendre l'un et l'autre. « Femme, dit Philémon en élevant la voix, je crains bien que ce ne soit quelque voyageur égaré qui cherche l'hospitalité chez nos voisins, et que ceux-ci, au lieu de lui donner un abri et des aliments, ne lancent leur chien après lui, comme c'est à leur habitude. « Miséricorde, répliqua Baucis, je voudrais bien les voir ressentir un peu plus de compassion pour leurs semblables, et penser qu'ils élèvent leurs enfants dans ces mauvais principes et sont les premiers à leur dire de jeter des pierres aux étrangers. « Ces enfants-là ne feront jamais rien de bon, » ajouta le vieillard en secouant sa tête blanche. « Et pour tout dire, femme, je ne serais pas étonnée si quelque terrible malheur venait à fondre sur toute la population, à moins qu'elle ne se corrige. Quant à nous, aussi longtemps que la Providence nous accordera une croûte de pain, nous serons toujours prêts, n'est-ce pas, à la partager avec tout étranger qui passera par ici. « Tu as raison, mon mari, » dit Baucis, « nous n'y manquerons jamais. » Il faut que vous sachiez que ces deux vieilles gens étaient dans la misère et qu'ils ne gagnaient leur vie que par un travail pénible. Le vieux Philémon piochait son jardin. Baucis ne quittait pas sa quenouille, faisait un peu de beurre et de fromage avec le lait de sa vache ou se livrait à quelques travaux dans l'intérieur de la maison. Du pain, du lait et des légumes, quelquefois un peu de miel de leur ruche et de temps en temps une grappe de raisin formait leur seule nourriture. Mais c'était le couple le plus généreux du monde. Ils se seraient bien volontiers privés de dîner plutôt que de refuser une tranche de pain noir, une tasse de lait ou une cuillerée de miel aux voyageurs que la fatigue avait arrêtés devant la porte. Pour eux, un pareil hôte revêtait un caractère sacré, et ils croyaient devoir l'entourer du plus de soins qu'ils n'en prenaient d'eux-mêmes. Leur chaumière était située sur une petite éminence, au pied de laquelle un village se cachait dans une gorge large d'un demi-mille environ, qui, au commencement du monde, avait probablement servi de lit à un lac. Les poissons en avaient parcouru les profondeurs, les roseaux s'étaient multipliés le long des bords, les arbres, les collines avaient vu leurs images réfléchies dans le miroir transparent d'une surface liquide, mais, à mesure que les eaux s'étaient retirées, les hommes avaient cultivé le sol, bâti des maisons, et en avaient fait un lieu fertile qui ne conservait aucune trace de son ancien état. Il en restait seulement un très petit ruisseau qui serpentait au milieu des habitations. Le lac était desséché depuis une époque immémoriale, et les chênes avaient eu le temps d'y pousser et d'y devenir grands et forts. Après y être morts de vieillesse, ils avaient été remplacés par d'autres, tout aussi majestueux que les précédents. Il n'y eut jamais de vallée plus belle, de végétation plus luxuriante. Le spectacle seul de l'abondance qui les environnait aurait dû inspirer la bonté et la douceur aux habitants de ce vallon, les disposer à la gratitude envers le Créateur et à la charité à l'égard de leurs semblables. Cependant, je suis fâché de le dire, la population de ce charmant séjour ne méritait pas d'habiter des lieux si favorisés du ciel. C'était un peuple égoïste et dur, sans pitié pour les indigents et les malheureux de toute espèce. S'ils entendaient dire que les hommes doivent s'aimer les uns les autres, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de payer la providence de son amour et de sa sollicitude pour nous, ils ne faisaient que rire avec mépris. Croiriez-vous que ces misérables enseignaient à leurs enfants à n'être pas meilleurs qu'eux-mêmes, et qu'ils applaudissaient aux efforts de petits garçons et des petites filles en les voyant poursuivre quelques pauvres étrangers de leurs cris et lui lancer des pierres. Ils avaient de gros chiens, hargneux, et, chaque fois qu'un voyageur s'aventurait dans la rue, ces affreux chiens étaient lâchés sur lui, jappant, grognant, grinçant les dents et saisissant au hasard les jambes ou les habits. Ils étaient bientôt tout déguenillés avant même d'avoir eu le temps de prendre la fuite. Et quelle horrible chose quand, par exemple, le malheureux était malade, faible, vieux ou infirme. Aussi, quand il avait fait une fois l'expérience de la méchanceté des habitants et des chiens de cet endroit, il se détournait de son chemin et l'allongeait de plusieurs lieues afin de ne pas avoir à passer dans cet abominable village. C'était d'autant plus mal que, chaque fois que des personnes riches traversaient leur pays en voiture ou, suivies de domestiques en brillantes livrées, ces vilaines gens étaient les plus serviles des hommes. Si leurs fils ou leurs filles manquaient d'égards envers ces riches étrangers, ils étaient sûrs de recevoir quelques bons soufflets. Quant au chien, si l'un d'eux s'avisait d'aboyer, le maître s'empressait de lui administrer une volée de coups de bâton et l'attachait dans sa niche sans lui donner à souper. Ceci aurait été fort bien si les villageois n'eussent prouvé, en agissant de cette manière, qu'ils se préoccupaient vivement de l'argent que l'étranger pouvait avoir dans sa poche, et pas du tout de l'âme humaine qui réside également chez le mendiant et chez le prince. Maintenant, vous comprenez pourquoi le vieux Philémon s'exprima avec tant d'amertume en entendant les cris des enfants et les aboiements des chiens. C'était un vacarme confus qui dura assez longtemps et remplit toute la vallée. « Je n'ai jamais entendu les chiens aboyer si fort, » dit le bon vieillard. « Ni les enfants crier si rudement, » répondit sa compagne. Ils se regardaient l'un l'autre en branlant la tête, et le bruit se rapprochait de plus en plus. Au pied de la petite éminence sur laquelle était située leur chaumière, ils aperçurent deux voyageurs qui marchaient de leur côté. Un peu dans l'éloignement coura une bande de petits mauvais sujets qui perçaient l'air de leurs cris. Ils jetaient de toute leur force une grêle de pierres aux deux étrangers. Plusieurs fois l'un d'eux, jeune homme d'une taille élancée et d'un air très vif, se retourna et chassa les chiens avec un bâton qu'il tenait à la main. Son compagnon, d'un extérieur beaucoup plus grave, conservait le plus grand calme, comme s'il eût dédaigné de faire attention aux petits vauriens ou à la meute qu'il prenait pour modèle. Tous deux étaient vêtus avec une extrême simplicité et ne faisaient pas l'effet d'avoir assez d'argent pour payer leur gîte et leur souper. Et voilà pourquoi, j'en ai bien peur, les villageois avaient permis à leurs enfants et à leurs chiens de les traiter si grossièrement. « Viens, ma femme, » dit Philémon à Baucis, « allons à leur rencontre. À peine s'ils ont la force de monter la côte, et probablement ils ont faim. « Va seul au-devant d'eux, » répliqua Baucis. « Pendant ce temps-là, je vais bien vite regarder si nous ne pouvons pas avoir quelque chose pour souper. Une bonne tasse de lait avec du pain, ce serait le meilleur moyen de les réconforter. » Elle se hâta de rentrer. De son côté, Philémon s'avança et tendit la main au voyageur d'un air si hospitalier qu'il était inutile de dire les paroles suivantes, qu'il prononça néanmoins du ton le plus cordial. « Soyez les bienvenus, mes amis, et venez vous reposer chez moi. »« Merci !» répliqua le plus jeune avec une certaine vivacité, malgré son trouble et sa fatigue. « C'est un accueil tout différent de celui que nous avons reçu là-bas. Comment se fait-il que vous viviez dans un si mauvais voisinage ?»« Ah !» répondit Philémon avec un sourire plein de bonté. « La Providence m'a mis ici, je l'espère, entre autres raisons, pour compenser à votre égard l'inhospitalité de nos voisins. »« Voilà qui est bien parlé, mon vieux père !» s'écria le voyageur en riant. Et pour ne rien vous dissimuler, cette compensation nous est à peu près indispensable. Ces affreux petits vauriens nous ont jeté des pierres et de la boue, et l'un des chiens a mis en pièces mon manteau, qui était déjà bien assez déchiré. Mais je lui ai administré un coup de mon bâton sur le museau, et je pense que vous avez pu l'entendre hurler, même à cette distance. Philémon se réjouissait de voir un malheureux de si bonne humeur. À son air et à son maintien, vous n'auriez jamais imaginé qu'il avait enduré les fatigues d'un long jour de marche, terminé par un accueil aussi peu bienveillant. Son costume était bizarre. Il avait sur la tête une sorte de chapeau dont les bords se relevaient au-dessus des oreilles. Bien qu'on fût en été, il portait un manteau dont il s'enveloppait avec soin, peut-être parce que son vêtement de dessous était en lambeaux. Philémon remarqua aussi qu'il avait aux pieds une paire de souliers fort drôles. Mais, comme il faisait alors tout à fait sombre, et que sa vue n'était pas des plus nettes, il ne se rendit pas un compte exact de sa première impression. Une chose pourtant le frappa. Le voyageur était si merveilleusement actif et léger que ses pieds semblaient quelquefois s'enlever de terre et n'y rester attachés que par un effort. « Moi aussi, j'avais le pied léger dans ma jeunesse, » dit Philémon à l'inconnu. « Mais j'ai toujours constaté que mes pieds devenaient plus lourds à mesure que la nuit tombait. » « Il n'y a rien de tel qu'un bon bâton pour s'aider à marcher, » répondit celui-ci. et j'en ai un parfait, comme vous voyez. » C'était le plus singulier bâton que le vieillard eût jamais vu. Il était de bois d'olivier, se terminait par deux petites ailes, et les deux serpents sculptés qui s'enlaçaient autour avaient été faits par une main si habile que Philémon, dont les yeux n'étaient plus excellents, fut tenté de les croire en vie. Il aurait presque affirmé qu'il les voyait se tordre et les entendait siffler. « Voilà un bien curieux travail, » s'écria-t-il. « Un bâton avec des ailes, ce serait excellent pour servir de cheval de bois à un petit garçon. » Cependant, Philémon et ses deux hôtes étaient arrivés devant la porte de la chaumière. « Mes amis, » dit le premier, « asseyez-vous et reposez-vous sur ce banc. Ma femme Baucis a été voir ce qu'elle peut vous procurer pour souper. Nous ne sommes que de pauvres gens, mais disposés de tout ce qui est dans ma maison. » Le plus jeune des deux étrangers s'étendit nonchalamment sur le banc et laissa tomber son bâton. Mais alors, il se passa un fait assez incroyable, bien qu'insignifiant en soi. Le bâton se releva de lui-même, et, après avoir ouvert ses petites ailes, moitié sautillant, moitié voltigeant, vint s'appuyer contre le mur. Il y resta parfaitement tranquille, à l'exception des serpents qui continuaient à se tordre. Mais je suis persuadé que les yeux du vieux Philémon le trompaient à cet égard. Au moment où il allait hasarder une question au sujet du bâton, il en fut détourné par le plus âgé des voyageurs qui lui parla en ces termes et d'un ton remarquablement sérieux. N'existait-il pas autrefois un lac qui remplissait le vallon où ce village est situé aujourd'hui ? Non, pas de mon temps, l'ami, répondit Philémon, quoique je sois bien vieux, comme vous voyez. J'ai toujours vu les champs et les prairies qu'on y voit à présent, de grands arbres et le petit ruisseau qui murmure au fond de la vallée. Mon père et son père avant lui n'ont jamais vu autre chose, et sans doute il en sera de même quand Philémon, chargé d'années, sera parti pour l'autre monde et depuis longtemps oublié. C'est ce que personne ne peut savoir et prédire, répliqua l'étranger, dont la voix prit un accent impérieux en secouant la tête et agitant les boucles noires de son épaisse chevelure. Puisque les habitants de ce pays ont perdu les sentiments dont les avait doués la nature, il vaudrait mieux que le lac remplît son antique bassin et vînt détruire jusqu'à la dernière trace de leur séjour. En prononçant ces mots, il prit une physionomie si sévère que Philémon en fut presque effrayé, d'autant plus qu'au froncement de ses sourcils, le ciel se couvrit tout à coup d'un voile obscur et qu'au moment où il secoua la tête, il y eut un roulement de tonnerre dans l'espace. Mais, quelques minutes après, son visage devint si calme et si bienveillant que le vieillard oublia sa première terreur. Néanmoins, il ne put s'empêcher de penser que ce n'était certainement pas un homme ordinaire, malgré ses humbles vêtements, et bien qu'il allât à pied. Non pas que Philémon supposât que ce fût un prince déguisé ou tout autre grand personnage. Il songeait plutôt à quelque docte philosophe qui parcourait ainsi le monde, sous l'apparence de la pauvreté, méprisant les richesses et le luxe, et qui cherchait dans ses voyages à augmenter ses connaissances. Cette idée frappa d'autant plus Philémon que, lorsqu'il levait les yeux sur l'étranger, il lui semblait voir dans un seul de ses regards plus de pensées que lui-même n'aurait pu en concevoir pendant une longue vie. Tandis que Baucis activait les préparatifs du souper, les deux inconnus se mirent à causer familièrement avec leur hôte. Le plus jeune était un grand parleur et faisait des remarques si pleines de malice et d'esprit que le bon vieillard ne cessait d'éclater de rire et déclarait que c'était le plus amusant de tous les hommes qu'il eût jamais rencontré. « Mon ami, dit-il, quand ils commencèrent à se familiariser l'un avec l'autre, dites-moi, je vous prie, comment vous vous appelez ?»« Je suis agile, comme vous voyez, répondit-il. Appelez-moi Vif-Argent, ce nom m'ira parfaitement. » « Vif-Argent ? » répéta Philémon en le regardant en face pour s'assurer qu'il ne se moquait pas de lui. « C'est un nom bien étrange. Est-ce que celui de votre camarade est tout aussi bizarre ? » « Demandez-le au tonnerre et il vous l'apprendra, » répliqua Vif-Argent d'un ton mystérieux, « car il n'existe pas de voix assez forte pour le prononcer. » Sérieuse ou plaisante, cette remarque n'eût pu manquer d'inspirer à Philémon une profonde terreur si, en jetant un coup d'œil furtif sur les traits de celui qui en était l'objet, il n'y avait rencontré l'expression de la plus grande bienveillance. C'était assurément la plus noble figure qui se fût jamais assise à la porte d'une chaumière. Sa parole grave était si pénétrante et si douce que Philémon se sentait irrésistiblement poussé à lui ouvrir son cœur. Tel est le sentiment que nous inspire la présence d'un homme assez supérieur pour comprendre nos qualités ou nos défauts et pour ne pas nous mépriser. Philémon, lui, simple et généreux, n'avait point de secrets à révéler. Il causait cependant avec abandon des événements de sa vie pendant laquelle il ne s'était jamais éloigné de 20 000 des lieux de sa naissance. Sa femme Baucis et lui avaient habité cette chaumière depuis leur première jeunesse, gagnant leur pain par un travail honnête, toujours pauvre mais toujours content. Il raconta quel beurre et quel fromage excellent elle faisait, quels savoureux légumes il cultivait dans son jardin. Il dit aussi leur mutuel et tendre amour, et leur désir à tous deux de ne pas être séparés par la mort, mais de mourir ensemble comme ils avaient vécu. À mesure que l'étranger écoutait ce récit, un sourire brillait sur ses traits et lui donnait un aspect aussi doux qu'il était noble ordinairement. « Vous êtes un bon vieillard, lui dit-il, et vous avez une femme charitable pour compagne. Il est juste que votre vœu s'accomplisse. » À ce moment, il sembla à Philémon que le soleil rayonnait vers l'occident d'un éclat plus vif et éclairait tout le ciel d'une lumière soudaine. Baucis avait fini de préparer le souper et, se montrant à la porte de la chaumière, s'excusa du chétif repas qu'elle allait offrir. « Si nous avions su d'avance votre arrivée, dit-elle, nous nous serions plutôt passés de notre unique morceau de pain pour vous procurer un repas un peu meilleur. » Mais j'ai employé presque tout mon lait à faire des fromages. Notre pain est à moitié mangé et c'est le dernier qui nous reste. Je ne souffre jamais tant d'être dans la misère que lorsqu'un passant vient frapper à notre porte. Tout va bien. Ne vous mettez pas en peine, ma chère femme, répliqua avec bonté l'inconnu à l'air vénérable. Un accueil honnête et cordial opère des miracles et peut changer les mets les plus grossiers en délicieuses ambroisies. Quant au bon accueil, vous l'avez, s'écria Baucis. Et de plus, un peu de miel qui, par une chance heureuse, nous reste avec une grappe de raisin mûr. « Et que voulez-vous de plus, mère Baucis ? Mais c'est un vrai festin !» s'écria Vif-Argent. « Vous allez voir comme je vais m'acquitter de mon rôle d'invité. Je ne me suis jamais senti si bon appétit !»« Miséricorde !» murmura Baucis à l'oreille de son mari. « Si l'autre a une faim semblable, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de quoi souper. » Ils entrèrent dans la chaumière tous les quatre. « Maintenant, chers petits auditeurs, faut-il que je vous dise quelque chose qui vous fasse ouvrir de grands yeux ? Voici l'un des épisodes les plus intéressants de l'histoire. Le bâton de Vif-Argent, vous vous en souvenez, s'était installé contre le mur de la maison. Quand son maître posa le pied sur le seuil de la porte, il se mit à battre aussitôt des ailes, à voltiger, à sautiller sur les marches du perron. « Toc, toc, toc » faisait-il, en résonnant sur le plancher de la cuisine. Il n'eut pas de repos qu'il ne trouvât une petite place où il se tint avec un air d'importance des plus comiques devant la chaise de Vif-Argent. Le vieux Philémon, cependant, ainsi que sa femme, s'occupait avec tant d'attention que les mouvements du bâton passèrent inaperçus. Comme Baucis l'avait dit, c'était un misérable souper pour deux voyageurs épuisés. Au milieu de la table était le débris d'un pain bis, avec un peu de fromage d'un côté et de l'autre un rayon de miel. Il y avait une belle grappe de raisin pour chacun des convives, une cruche de terre, médiocrement grande, presque pleine de lait, était posée à l'un des angles, et quand Baucis en eut versé dans les deux tasses, il ne restait à peu près rien au fond. Hélas, quelle triste chose quand un cœur sensible se trouve empêché par les circonstances de faire le bien qu'il désire. Baucis eût été heureux si, en jeûnant toute la semaine suivante, elle avait pu procurer à ses hôtes affamés un souper plus abondant. Voyant le repas si médiocre, elle ne put se défendre de désirer que leur appétit fût moins grand. Comprend-on qu'à peine assis, nos deux inconnus burent d'un seul trait leur bol de lait, sans laisser une goutte au fond du vase ? « Un peu de lait, s'il vous plaît, bonne mère, » dit Vif-Argent. « Il a fait chaud aujourd'hui. » « Et j'ai le gosier terriblement sec. »« Mes bons amis, répliqua Baucis, toute confuse, j'en suis vraiment bien triste, mais il n'y a plus rien dans le pot au lait. »« Bah !» répartit Vif-Argent en se levant avec vivacité et en prenant la cruche par l'anse. Il me semble que la situation n'est pas aussi mauvaise que vous la représentez. Il y a encore du lait, et plus que nous n'en boirons. » Et en disant cela, il se mit à remplir non seulement sa tasse, mais celle de son compagnon, au grand étonnement de Baucis. La brave femme ne pouvait en croire ses yeux. Elle était convaincue d'avoir versé presque tout, et elle avait jeté un regard désappointé dans l'intérieur de la cruche en la remettant elle-même sur la table. « Enfin, je suis vieille, » pensa Baucis. « J'oublie facilement. Je me suis trompée, sans doute. En tout cas, elle ne peut manquer d'être vide à présent, après avoir fourni deux rations aussi complètes. »« Quel lait délicieux !» s'écria vif argent, après avoir absorbé la deuxième tasse. « Excusez-moi, ma bonne hôtesse, mais il faut absolument que j'en reprenne encore un peu. » Pour le coup, Baucis avait vu, aussi clairement que possible, que vif argent avait retourné le vase, et par conséquent n'y avait pas laissé une seule goutte de liquide. Cependant, afin de lui prouver ce qu'elle avançait, elle leva la cruche et fit le geste de verser sans la moindre idée qu'il pût en sortir le plus léger filet. Quelle ne fut pas sa surprise de voir une abondante cascade tomber en bouillonnant dans un des bols qui fut immédiatement rempli et déborda sur la table. Les deux serpents entortillés autour du bâton de vif argent allongèrent la tête et se mirent à laper le lait répandu. Mais ni Philémon ni Baucis ne remarquèrent cette circonstance. Et quel parfum exquis il avait ! On aurait dit que la vache de Philémon eût brouté ce jour-là l'herbe la plus odorante du globe. « Je ne fais pour vous qu'un souhait, mes chers amis, c'est que vous puissiez avoir à votre souper un bol de lait pareil. « Maintenant, mère Baucis, dit vif argent, une tranche de votre pain avec un peu de miel. » Celle-ci lui coupa la tranche demandée. Et bien que le pain, quand son mari et elle en avaient mangé, fut dur et peu agréable, il se trouva alors aussi tendre et aussi savoureux que s'il sortait du four. Elle goûta un petit morceau de mie tombé sur la table, qui lui parut meilleur que jamais pain ne fût au monde, et elle ne voulut pas croire qu'elle en eût elle-même pétri la pâte. Cependant, ce petit morceau de mie appartenait bien au pain qu'elle avait fait, et devait nécessairement être de sa façon. Quant au miel, je ferais mieux de ne pas essayer de dire combien il réjouissait la vue et l'odorat. Il avait la couleur de l'or le plus pur, la transparence de la topaze, le parfum de mille fleurs, mais de ces fleurs comme il n'en pousse jamais dans aucun jardin terrestre, et que les abeilles devaient avoir été cherchées bien au-dessus de la région des nuages. Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'après avoir butiné au milieu de parterres aussi embaumés et de corolles éternellement entr'ouvertes, ces abeilles aient consenti à redescendre dans le jardin de Philémon. En un mot, jamais miel n'eut une apparence, un goût et un arôme comparable à celui-là. Une douce exhalaison flottait autour de la cuisine et en embaumait l'intérieur, au point qu'en fermant les yeux, vous vous seriez cru mollement couché sous un berceau de chèvrefeuilles célestes. Mère Baucis, malgré son grand âge et sa simplicité, ne put s'empêcher de penser qu'il y avait dans tout cela quelque chose de surnaturel. Aussi, lorsqu'elle eut servi aux deux étrangers du pain et du miel, et placé sur chacune de leurs assiettes une grappe de raisin, elle s'assit à côté de Philémon et lui dit tout bas à l'oreille ce qu'elle croyait avoir vu. « As-tu jamais rien entendu dire de pareil ?»« Non, ma foi, » répondit Philémon en souriant. « Je pense plutôt, ma pauvre femme, que ta vieille tête a un peu battu la campagne. Si j'avais versé le lait moi-même, j'y aurais vu plus clair. C'est tout simplement qu'il y en avait dans la cruche beaucoup plus que tu ne croyais. « Dis tout ce que tu voudras, ce sont des gens fort extraordinaires. » « Je ne dis pas non, » répliqua Philémon, souriant toujours. « Il est certain qu'ils paraissent avoir été dans une meilleure position que celle où ils sont aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je me réjouis de tout mon cœur de les voir faire un aussi bon souper. » Chacun d'eux avait pris en ce moment sa grappe de raisin sur son assiette. Baucis, s'étant frotté les yeux afin de rendre sa vue un peu plus distincte, pensa que les grappes avaient augmenté de grosseur et que chaque grain était prêt de crever par surabondance de jus. Quel mystère impénétrable que ces grappes eussent été produites par la treille chétive qui grimpait avec effort le long du mur de la chaumière. Quel admirable raisin ! Fit encore vif argent en avalant les grains les uns après les autres, sans pour cela diminuer en apparence le volume de sa grappe. Dites-moi, je vous prie, mon brave homme, où donc l'avez-vous pris ? À ma treille, dont vous pouvez voir l'une des branches à travers la fenêtre que voilà. Mais ma femme ni moi, nous n'avons jamais trouvé que ce raisin fût très beau. Je n'en ai jamais mangé de meilleur. Une autre tasse de cet excellent lait, s'il vous plaît, et j'aurai soupé mieux qu'un prince. » Cette fois, le vieux Philémon s'empara de la cruche, car il était curieux de découvrir s'il y avait une ombre de réalité dans les merveilles que Baucis lui avait révélées. Il savait que sa femme était incapable de mentir et qu'elle s'était rarement trompée dans ses suppositions. Le cas était si singulier qu'il avait besoin de le vérifier de ses propres yeux. En levant la cruche, il donna un rapide coup d'œil dans l'intérieur et vit avec satisfaction qu'il n'y avait pas une seule goutte de liquide. Tout d'un coup, cependant, il aperçut un petit jet blanc qui s'élançait du fond du vase et qui le remplit bien vite, jusqu'au bord, d'un lait écumant et parfumé. Par bonheur, Philémon, dans son trouble, ne laissa pas échapper de sa main la cruche miraculeuse. « Qui êtes-vous donc, étranger, qui opérez de tels prodiges ? » s'écria-t-il, encore plus ébloui que sa femme. « Tout simplement vos hôtes, mon cher Philémon. « Vos amis, répliqua le plus âgé, d'une voix douce et pénétrante, et en même temps pleine de noblesse. « Donne-moi aussi une tasse de ce lait, et puisse cette cruche n'être jamais vide pour ta généreuse femme et pour toi, non plus que pour les passants qui se trouveront dans le besoin. » Le souper terminé, ils demandèrent à aller se reposer. Les deux vieilles gens auraient été bien aises de causer un peu plus longtemps avec eux, d'exprimer le ravissement et le plaisir qu'ils éprouvaient en voyant un pauvre et maigre repas devenir par enchantement aussi copieux que délicat. Mais la figure de noble inconnu leur imposait tellement qu'ils n'osèrent pas lui adresser de nouvelles questions. Cependant, quand Philémon prit Vif-Argent à part, pour savoir de lui comment, sous le soleil, une source de lait avait jamais pu jaillir dans l'intérieur d'une vieille cruche d'argile, celui-ci lui montra du doigt son étrange bâton en ajoutant « C'est là qu'est tout le mystère. Si vous parvenez à me l'expliquer, je vous serai fort obligé. Il m'est impossible de vous compter toutes les ressources que je peux en tirer. Il est sans cesse à me jouer des tours du même genre. Parfois, il me procure un souper que la plupart du temps il me dérobe. Si j'avais foi dans de pareilles folies, je dirais qu'il est enchanté. » Puis, sans rien dire de plus, il les regarda tous les deux avec tant de malice qu'ils crurent vraiment qu'il les prenait pour dupes. Le bâton magique sautilla derrière les talons de Vif-Argent au moment où son maître s'éloigna. Une fois seuls, les deux époux s'entretinrent des événements de la journée, se couchèrent par terre et s'endormirent d'un profond sommeil. Ils avaient cédé leur chambre à leurs hôtes et n'avaient pour lit que le plancher, dont j'aurais désiré voir le bois aussi tendre que leur cœur.